Rappelez simplement qu'un viol, qu'un meurtre, c'est pas une incivilité, c'est pas un délit, c'est un crime. On parle de criminel. Dans cette boîte de nuit à la fin d'une soirée bien arrosée. Véronique part boire un dernier verre avec des amis de rencontre, chez l'un d'entre eux. Chez l'un d'entre eux. Moi, je suis partie vers 6h à la fermeture. Enfin, 5-6h. Et je suis retournée chez le copain d'un copain. Là, j'ai bu un verre. Et après, je me souviens plus. Et après, je me souviens plus. J'ai remonté le moral à des filles en détresse. Celles qui allaient trop mal venaient me voir en vitesse. On parlait pendant des heures, pendant des nuits, pendant des mois. Du passé, du malheur, des ennuis, du désarroi. J'ai servi de chiffon pour effacer des crasses. J'ai servi de feuilles blanches pour qu'elles y laissent leurs traces. J'ai servi de bouée pour qu'elles remontent à la surface. Elles ont trouvé le sourire, j'ai servi de grimace. Elles se vidaient de l'intérieur là où des hommes étaient rentrés. Elles se confiaient du cœur laissant la pudeur de côté. Et dans ces moments-là, c'est le vécu qui prend le contrôle. Ce texte n'est pas bandant, pourtant je te parle de cul et de go, non. Plus sérieusement, le viol d'une fille, ce n'est pas drôle. Ce ne sont pas des babioles, ce n'est pas un film, ce n'est pas un rôle. Encore mineur, déjà sali, certains ont pris leur corps pour des fringues. Déshonneur, mélancolie, dans mon stylo, j'y vois un flingue. Je suis pas la justice pour te mentir ce qu'il faudrait faire. J'ai pas le pouvoir, les préjudices, ça fait mal, elle vivait en fer. Des mots qui se pleurent, des peurs qui parlent. Ajoute un cœur qui frappe de la victime, sans le coupable, de la machine, en sort les sables. Trop peur de parler à leur mère, il y a beaucoup de filles comme ça. Y a pas de honte, tu es sa chair, respecte-la comme il se doit. Tu savais pas ce qu'il y avait dans ce verre, et combien t'ont passé dessus, alors dénonce. Combien vivre au présent avec le passé dessus. Faites mourir ce silence qui fait tant de bruit à l'intérieur. Pour qu'enfin ton place sentence devant le juge procureur. Même si rien n'efface un acte, on peut au moins le punir. A toi de briser la glace car lui a brisé ton sourire. Te consoler, je peux faire que ça. Si ça t'aide alors je le fais. Combien de larmes j'ai vu couler pour te réapprendre à nager. Combien de nuits sont restées blanches, noircies de cruauté. Combien de fruits tombés de la branche ont dû être ramassés. Avant qu'arrive le drame, je lui avais déjà conseillé d'éviter ces cas comme la cam, mais elle s'est faite piquer. C'est clair que l'amour rend aveugle, c'est trop stupide. Stupide, éphémère fut ma parole, un bouclier tombé dans le vide. Elle me disait trop pessimiste, aujourd'hui je suis réaliste. J'irais même un exorciste, sans le savoir de physiologiste. C'est vrai que ma vie est triste, alors j'y comprends facilement. Mais comment être moraliste, des cicatrices laissées autant. Que des choses graves j'ai dû entendre, alors je les grave. Que des choses braves j'ai dû défendre, tout en fermant les vannes. Combien de temps pour s'en remettre, une soirée ça brise une vie. Combien de connards ont dû commettre, cette soirée gravée à vie. Cette fille te paraît louche, mais tu sais pas ce qu'elle a vécu. Elle a beau se frotter sous la douche, mais où est passée sa vertu. La naïveté est une faiblesse. Ça vaut que dalle les promesses, les belles paroles sont enterrées, elle devient sale sa gentillesse. Combien de filles tombées dans le piège, n'ont pu être secourir. Un petit chat dans un chenil, un sacrilège qu'on peut décrire. C'est pas humain mais ça existe, c'est ton copain et ça t'excite. Il t'envoûte dans sa clique, c'est game over, clique sur exit. Sors de son jeu, c'est pas les sims, y'a pas de code dans la vraie vie. Ouvre les yeux, évite les risques, barre-toi de la horde, quitte la partie. Avant de dire si j'avais su, comme tes copines parlent de leur ex. Avant de maudire des larmes crues de l'époque où il t'appelait Rex. Peut-être je me trompe ou bien c'est lui quand il s'en va faire des pompes. Arrête ta mascarade, une vie de princesse, moi je vois que les catacombes. Combien quoi sous ce mascara de son lit tu passeras à la tombe. Combien diront comme moi ce que j'ai dit de ce que je raconte. Un texte ça se finit mais le combat lui continue. Prends ces mots pour des conseils et méfie-toi de l'inconnu. Pour toutes ces filles qui ont souffert, prisonnières d'un partenaire aussi violent que sanguinaire, dans de l'amour imaginaire. La jeune fille sera violée au cours de la soirée. Ils ont mis de la farine sur ses vêtements et ensuite ils ont décidé de la monter à l'étage. Je me suis réveillée vers midi et demi, dans un lit, dans la maison, avec celui qui habitait là et son copain dans la chambre. Je me suis réveillée, j'avais plus de vêtements et je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit je vais pas te faire un dessin, tu le sais très bien.